contre le piège de Satan. Je t'invente de tout mon cœur, sauve-moi, Père. Viens, viens à mon secours. Que mes cris parviennent vers toi, ô Père. Mais ne m'oublie pas, Père. Père, viens au secours de ton enfant. Je te délivrerai, tu me glorifieras, dit l'Éternel des armées. Oui, Éternel, ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille n'est pas loin pour entendre. Mais souvent, ce sont nos fautes qui nous empêchent de voir ta gloire, mon roi. Mais si la réponse tarde de foi, attends-la. L'Éternel est celui qui exauce les prières et tout le monde viendra vers lui. Alléluia.